Chapitre 41e. Tonneau, tonneau. Une fois dans la cave du gouverneur, Paul Amroquet se mit à mesurer consciencieusement le charbon, le bois. Il consulta en même temps sa boussole, un plan de Paris qu'il avait apporté avec lui. Et il vit que si les caves de l'hôtel du gouverneur étaient séparées des caves où reposaient les millions bien gardés, ils étaient séparés par un couloir, et il remarqua que ce couloir faisait suite à la salle de police où il avait lui-même été écroué comme un joyeux pochard. Paul Lambroquet dit alors à Gabriel « La suite n'est pas difficile à deviner. Ils entrent par la porte, font mouvoir la pierre d'angle, ils mettent l'argent dans le couloir et petit à petit l'emportent par cette cave. » Paul Lambroquet alors ajouta « Il nous reste maintenant à découvrir ici où est le trou qui communique avec le caveau. » Le détective et son lieutenant se mirent à chercher. Derrière les tas de charbon, derrière les amas de bûches, rien n'indiquait qu'on pût découvrir là l'issue. Il faudrait déranger trop de choses, dit Paul Lambroquet. Ce n'est pas pratique, voyons ailleurs. Il passa dans le cellier, dans la cave proprement dite. Comme dans toute cave bien tenue, le sol était recouvert de gravier. Il craqua sous les pas des détectives. Paul Lambroquet regarda ce gravier, et se baissant, il en prit une poignée. Regarde, mon garçon, dit-il à Gabriel, ce gravier, bien que tous les graviers se ressemblent à peu près, est le même que celui qui a rempli les sacs déposés dans la caisse pillée à la place des louis d'or. Gabriel tressaillit. « Ah, chef, nous sommes sur la bonne piste. »« Oui, poursuivons. » Dans ce cellier, des milliers de bouteilles se trouvaient rangées sur des dressoirs de fer. Paul Lambroquet essaya de tourner ces dressoirs pour voir si derrière l'un d'eux, mobile, se cachait l'entrée. Les dressoirs tenaient bien au sol. Rien n'indiquait qu'on les mania facilement. Le sol n'avait pas gardé de traces, comme on eût fait les pieds en roulant. « Voyons plus loin, » dit Paul Lambroquet. Il passa dans la cave où se trouvaient, sur déchets alignés, de respectables tonneaux. « C'est ici, forcément, » dit-il à Gabriel, « que nous devons trouver ce que nous cherchons. Attends, mon garçon, laisse-moi voir d'abord, ne bouge pas. » Paul Lambroquet tout doucement s'approcha des tonneaux rangés en ordre parfait. Il les examina les uns après les autres, regarda à terre pour y chercher la trace d'échec qu'on aurait bougé. Ici, pas plus qu'au pied des dressoirs de fer, il ne remarqua rien de douteux. Alors il donna quelques petits coups de doigt sur les tonneaux. Les tonneaux rendirent le son mat du tonneau plein. Trois, cependant, résonnèrent. « Cela sont vides, » dit-il. C'étaient trois petits tonneaux de bière, épais, massifs. Paul Lambroquet se mit à les examiner, à les étudier. Ces tonneaux étaient en parfait état. Ils avaient contenu de la bière, dont les étiquettes authentiques, les marques au feu creusées dans les panneaux disaient l'excellente qualité. C'étaient de vrais, de loyaux tonneaux, corrects dans leurs corsets, formés de quatre cercles de fer. Cependant, Paul Lambroquet remarqua, et lui seul, même sans le secours de la loupe, cette fois, pouvait le voir, Paul Lambroquet remarqua que les cercles de fer qui entouraient ces trois tonneaux étaient bien rivés comme tous les cercles de fer. Mais les rivets, dont la tête était ronde, comme il convient, avaient reçu des coups de lime des deux côtés, et leur tête, exactement semblable à la tête de tous les rivets de cercle du monde, avait deux côtés parallèles, plats, sur lesquels pouvait admirablement mordre une clé anglaise. « Ah ah !» se dit Paul Lambroquet. « Voilà des rivets qui sont des boulons. » Or, si les rivets sont inviolables, à moins de défaire le cercle qu'ils tiennent et de les faire sauter avec le poinçon à goupille, ces boulons, au contraire, en deux tours de clé, ouvrent le corset qu'ils ferment. Et Paul Lambroquet remarqua que les trois tonneaux avaient deux cercles seulement ainsi maintenus. Ces deux cercles se trouvaient précisément du côté du mur. Les deux cercles en avant n'offraient rien d'anormal. Paul Lambroquet alors souleva le tonneau qui se trouvait sur les deux autres. Il le tourna, promenait en avant le côté qui donnait sur le mur et l'examina ce côté. Ici, il remarqua une singularité dans la fabrication de ces tonneaux dont l'établissement classique est de temps immémorial, depuis Gambrinus, assurément, exactement le même. Une sorte de planchette de même force, de même couleur que le reste du tonneau, se trouvait de ce côté. Cette planchette, large de trois doigts, était mise dans toute la largeur du fond et mordait dans deux encoches qui en assuraient le maintien. Paul Lambroquet dit à Gabriel, « Voilà, cette barre de bois est la fermeture qui devait empêcher le fond de jouer quand le tonneau était plein de bière. Mais elle tourne sur son axe, et doit permettre facilement au fond qu'elle maintient de se détacher quand on a desserré les cercles de fer. Cette manœuvre est facile et doit être exécutée assez rapidement. C'est une sorte de taquet qui commande une porte. La porte que voici, le fond du tonneau. Et il ajouta, « Or, c'est dans ces tonneaux que l'on dépose les sacs d'or pour les emporter. » En souriant, il conclut, « Je reconnais bien là la façon de faire. Il vole la Banque de France avec le concours de son gouverneur. C'est du bon, Zigomar. » Gabriel dit alors, « Oui, mais ce qui est aussi du bon pour Lambroquet, c'est d'avoir, malgré le gouverneur de la Banque de France et malgré M. Le Bureau, découvert comment faisait Zigomar. »